Helmut, il est rentré. Quand même! Bah oui, je t'ai vu tout à l'heure en début de matinée, tu es absenté et là tu refais surface évidemment. Bon. Comment ça se passe? Mes amis, je suis excité comme un curé chez les louveteaux. Figurez-vous qu'hier soir, je suis retourné voir le Bachelor et ses morues. Oh, quelle fiesta, nom de Dieu! Seul souci, c'est que la production m'a obligé à y aller avec une invitée qui aimerait bien cet appel Bachelor en question. Ah oui? Bonjour! Ah! D'où Jésus, Daniel Evnou! Qu'est-ce que tu fous là? Ben, je suis là pour aller voir le Bachelor avec vous. C'est toi qui veux t'appeler Bachelor? Ben quoi, j'ai pas le droit? Moi aussi, j'ai droit au bonheur! Oui, c'est sûr, mais... Ah, Daniel, faut que je te le dise tout de suite. Ah, tu vas être déçu. Quoi, il a un petit machin? Ah non, ça, j'en sais rien. Là, je dis que tu vas être déçu dans la mesure où le Bachelor, eh ben, il est de la truffe. Comme les sangliers? Non. Être de la truffe, ça veut pas dire qu'il trouve des champignons. Ça veut dire qu'il est de la braguette arrière, de la sacoche, qu'il prend dans le sac à dos, qu'il baille de la ventouse. Oh, il est homo, quoi! Ah ben c'est dommage, il est tellement beau. Oui, ben ça, on n'y peut rien. Non mais vous allez voir ça, moi je vais le faire changer d'avis, le Bachelor. 10 minutes plus tard, on était avec Steven. Et là, Daniel, ouh, attention, elle avait sorti le grand jeu. Tout en cuir et coiffé avec une crête, comme Michael Youn. Salut Steven, tu te souviens de moi? Nom de Dieu, quelle horreur, la brute. Doudou, caribou, pas de panique, je suis là pour les cocottes que tu délaisses, pour mieux aller draguer Rottenberg. Vous me tapez pas cette fois, hein? Mais non. Tiens, en fait, je te présente Daniel Evnou. Bonjour, Steven. Ah, mais quelle horreur. Tu vas rester poli, Nouraïef? C'est vrai que t'es de la... C'est vrai que t'es... Merde. Ça y est, te voilà perdu. Ah! Tu vas rester poli, Nouraïef? C'est vrai que vous êtes de la truffe, Steven. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Va se calmer, Bonnie Tyler. Oh! Il cherche les baves, Boy George. Non, on avait dit pas taper, pas taper. Oui, bah, on s'est trompé. J'ai foutu une de ces trompes, moi. Non, mais des fois. Ah, je vous jure, hein, les gens n'ont plus aucune éducation. Allez, au Wiedersehen. Ah, on s'y perd un peu entre le Bachelor, Daniel Evnou et toi. Hein. Ah, même moi, dis donc. Ciao.